entendu un gros boum. Enfin, tout a pété. La police. C'est de la merde. L'armée. C'est de la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est de la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Salut, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission du magazine Libertaire. Ici, on cause d'actualité des luttes, de la France et du monde qui pue, et on essaye de donner la parole à celles et à ceux qu'on n'entend pas ou peu dans les médias d'habitude. Le Maglib est diffusé tous les mercredis de 12h05 à 13h30 sur JetFM 91.2 et sur jetfm.fr. Comme on est en direct, vous pouvez nous contacter par téléphone pendant l'émission au 02 28 25 23 88 ou aussi nous envoyer des mails sur notre adresse à maglib@riseup.net et vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur notre site maglib.noblogs.org. Alors aujourd'hui, on va vous causer... Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça se passe au carrefour de Beaulieu. On va vous faire un petit texte sur le chlordécone aussi. Et puis, ben, pour commencer, on va vous diffuser un son, Ancrer la lutte. Oui, alors, bonjour tout le monde. Nous allons diffuser un son qui nous vient de Radio Parleur, que vous pouvez retrouver sur radioparleur.net. C'est un son qui s'intitule « Grève contre la réforme des retraites à Lyon, de point ancrer la lutte ». Ça se passe jeudi 16 janvier, du côté de Lyon. À Lyon même. Après plus de 40 jours de grève, à Lyon comme ailleurs, les grèves s'installent dans la durée. Nous allons entendre ici la parole de 5 personnes qui participent à la manifestation. Ils disent pourquoi ils sont en lutte. Et ce qui ressort de ces paroles, c'est qu'ils sont toujours en lutte, la grève continue et les personnes sont déterminées à lutter jusqu'au retrait de cette réforme. Moi, je suis soignante à l'hôpital sur Lyon. Vous êtes membre de la CGT ? Et oui. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Et ben, je suis là pour plusieurs raisons. D'une part, que la réforme des retraites passe pas, pour qu'ils retirent leur projet, mais y compris pour dénoncer les conditions de travail à l'hôpital. Parce que si on parle de la retraite, il y a aussi le problème du travail actuellement, des conditions dans lesquelles c'est fait, puis le salaire qu'on a actuellement. Donc, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Que je suis dans la rue aujourd'hui. Brigitte Macron qui veut faire une opération pièce jaune, enfin je veux dire c'est, je sais même pas comment on peut qualifier ça quoi. Là vraiment ce qu'il faut pour l'hôpital pour redresser un minimum la barre, en fait ça se chiffre en termes de milliards et en fait c'est bien normal parce que c'est des grosses structures et c'est des choix politiques en fait à faire. Et en même temps c'est nécessaire, c'est pour d'une part les conditions de travail pour ceux qui bossent. Y compris pour la prise en charge au niveau de la santé de l'entièreté de la population. Et voilà, il va falloir qu'on réussisse à les imposer, quoi. On en est maintenant au 43e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. On revient à la réforme des retraites. Est-ce que vous étiez là aux autres mouvements ? Depuis le départ, moi je participais et essayer aussi d'expliquer ce que c'est la réforme un peu plus dans les détails, parce que c'est vrai qu'on entend souvent voilà, c'est une réforme, de toute manière il y en a eu, il y en aura d'autres, etc. Mais là c'est vraiment une énorme attaque et en fait il faut vraiment stopper ce gouvernement et la casse qu'ils font sur le dos des gens, quoi. Comment vous l'avez vu évoluer ce mouvement au fil des manifestations ? Je trouve qu'il y a un répondant qui est toujours bien présent. Clairement, malgré un petit peu ce qu'ils ont voulu faire entendre, en fait, il y a un soutien massif quand même de la population. Après, ce qu'il faudrait, je pense, là, pour vraiment qu'on arrive à mettre un coup d'arrêt, c'est qu'on soit vraiment plus nombreux à rejoindre la grève et les manifestations. Les cheminots, la RATP et tout un tas de secteurs ont quand même bien montré la voie et ils ont été vraiment remarquables là-dessus. Mais en fait, le meilleur soutien, c'est de les rejoindre dans la mobilisation et dans la grève. Dans le fond, de toute manière, ceux qui font fonctionner l'économie et les services publics, etc., en fait, c'est nous, c'est ceux qui bossons. Et du coup, je pense que dans le fond, c'est par la grève réellement qu'on arrivera à faire plier et à augmenter le rapport de force vis-à-vis du gouvernement. Parce que derrière le gouvernement, il y a aussi les patrons, il y a l'économie. Et là, mine de rien, ils tirent quand même un peu la langue, parce que le fait que la SNCF se soit ralenti, qu'il y ait la RATP en grève, il y a tout un tas de trains qui ne circulent pas. Il y a les voyageurs, mais il y a tous les trains de marchandises. Il y a des entreprises qui ont pas du coup leur matière première pour fonctionner, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais du coup, si ceux qui bossent dans les raffineries, ils se mettent en grève, que dans les hôpitaux, c'est pareil, que dans tout un tas de secteurs, on fait la même chose, et là, à un moment donné, en fait, sans nous, ils sont rien. Donc Laurent Aubelot, représentant régional de la CGT Cheminots de Lyon. Vous êtes cheminot, vous aussi ? Oui, je suis cheminot, j'ai travaillé en gare de Lyon-Perrache. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, 43e jour de mobilisation ? C'est quoi le sentiment avant le départ du cortège ? Le sentiment, nous on est toujours inscrits dans la lutte et dans la mobilisation, hein, depuis le 5 décembre. Donc là on est sur un temps, sur une grosse journée de mobilisation interpro. Donc les cheminots sont inscrits dans cette journée, même si nous on est sur des modalités depuis le 5 décembre en grève reconductible. Mais on sent bien que depuis la semaine dernière, ça bouge beaucoup plus dans le privé. Il y a de plus en plus de boîtes privées ou de grands centres, les ports par exemple, les raffineries il y a des blocages, il y a des grèves qui se multiplient. Donc on s'installe dans la durée, on s'organise pour continuer le mouvement. Et puis c'est chaque rendez-vous. Effectivement, il faut qu'on soit le plus nombreux possible dans la rue, autant pour les salariés du privé comme du public. Petit à petit, nos arguments, ils commencent à porter dans l'opinion, et l'opinion, au bout de 43 jours de grève, elle est toujours favorable au mouvement et opposée à cette réforme à la hauteur de 60%. Et donc, du coup, le gouvernement, il n'arrive pas à convaincre. Et donc, nous, on pense que c'est bien le gouvernement qui fait blocage en restant campé comme ça sur ses positions. Et donc, il doit revoir sa copie, mais avec le préalable de retirer ce projet. Qu'est-ce que vous pensez de la position de la CFDT, notamment sur l'âge pivot, qui a parlé d'une victoire ? De toute façon, la CFDT, moi je ne suis pas spécialiste de leurs points revendicatifs, mais ils sont depuis 15 ans, leur projet, c'est un projet de retraite par points. Donc ils sont pour cette réforme. Il n'y a pas de sujet. On a tous compris que l'histoire de l'âge pivot, c'était un leurre. On l'a retiré pour les satisfaire. Mais la CFDT n'a jamais été dans la grève depuis le 5 décembre. Donc nous on pense que la victoire passe justement par la généralisation de tous ces mouvements de grève. Il faut que ça s'amplifie et ça rayonne partout dans toutes les boîtes et en particulier, je dirais, du privé, parce que ça se voit beaucoup, parce que tout de suite, on touche à l'argent, on touche aux revenus, on touche aux actionnaires. Et ça fait presque plus mal qu'une grève SNCF. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose qu'aujourd'hui, on parle moins de la grève à la SNCF, mais davantage des actions de grève dans les ports et dans les raffineries, dans l'industrie chimique, parce qu'il y a des gros mouvements de grève, de mobilisation dans la chimie. Mais chacun dans sa boîte doit porter ce discours-là, que c'est en amplifiant le mouvement et dans tous les secteurs d'activité qu'on y arrivera. Et on voit très bien que depuis la semaine dernière, voilà, ça bouillonne. On voit bien que le langage il change aussi du gouvernement. Il y a de plus en plus de répression, d'opérations de police dans les entreprises. C'est un signe aussi que ce pouvoir-là, il n'est pas serein. Et on continue, je veux dire, les prochaines dates sont tombées pour la semaine prochaine. Nous on s'inscrira le 22, le 23 et surtout le 24, vendredi prochain. Donc voilà, on attend qu'il y ait du monde, que les salariés fasse comprendre à ce gouvernement-là qu'il a tort. On va travailler plus longtemps pour gagner moins. Donc ça, je crois que les salariés aujourd'hui le comprennent. Et il faut un peu transformer ça dans la rue. Précarité, c'est notre métier. Éducation nationale. Oui, je suis Camille, je suis prof au collège Tonkin à Villeurbanne. Personnellement, j'en suis à 12 jours de grève, ça a été variable selon les collègues, mais nous on est en mouvement, on s'est mobilisé depuis le 5. Ce qui est magique dans cette mobilisation, c'est qu'elle est interprofessionnelle, et ça c'est très important, c'est pour montrer au gouvernement que c'est une mobilisation qui concerne tous les secteurs, et que le monde du travail n'est pas prêt à se laisser abattre, et que même si on cherche à nous diviser en disant que les cheminots, les profs sont des privilégiés, en fait on est tous ensemble, prêts à lui faire ravaler sa réforme. Donc je suis très enthousiaste. Enfin, disons que depuis le début, on nous dit que chaque journée est un test, alors à force que chaque journée soit un test, là j'ai quand même l'impression que le test est réussi, parce qu'on est encore très nombreux dans la rue après 43 jours, donc mission accomplie jusqu'ici. Et la grève, ça implique des sacrifices, on le sait tous, mais on pense que c'est tellement important qu'on préfère y passer des jours de salaire. On est prêt à beaucoup de sacrifices personnels pour garder une société correcte. Est-ce qu'il ne faudrait pas multiplier les modes d'action, envisager d'autres choses? Alors multiplier les modes d'action, bien sûr, mais pour ça, il faut être en grève, parce que pour pouvoir préparer et réaliser des actions, en réalité, il faut être en grève. Et c'est ce qu'on fait, toutes les actions de blocage qui sont réalisées, et tous les happenings devant l'Opéra ou autre, toutes les choses qui existent aujourd'hui, elles sont faisables justement parce qu'on est en grève. Je m'appelle François Giroux et je suis prévisionniste à Météo France à Lyon. D'accord, vous êtes beaucoup à Lyon de Météo France ? On est à peu près 80 météorologues. Et sur toute la région, on est à peu près 160, sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui ? Parce que la réforme, enfin la contre-réforme là, des retraites, je considère qu'elle nous concerne tous. Donc en fait, on va tous y perdre. C'est pour ça que les collègues et moi-même, on est dans la rue et on a fait toutes les manifestations là depuis début décembre. En plus, nous, ce qu'on voit de près, c'est que à la fois dans nos travaux, notre travail au quotidien. On a un certain nombre à faire des heures de nuit, à travailler de nuit. Et on voit bien qu'il n'y a rien qui avance sur la prise en compte de la pénibilité des heures de nuit. C'est même... on a l'impression que ça va même être dans l'autre sens, quoi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que comme on travaille sur un domaine qui touche à l'environnement, avec le changement climatique et toutes ces problématiques, on a le sentiment que cette financiarisation croissante du monde, c'est pas ça qui va permettre de résoudre l'urgence climatique, quoi. Et ça, ça nous parle énormément aux météorologues et aux climatologues. Nous, l'impression qu'on a, c'est que là où ça a un point de bascule, c'est dans les têtes. C'est-à-dire, on est confronté un peu comme tout le monde à un discours managérial tout le temps, là, à utiliser des mots qui deviennent vides de sens. Et ça, on s'en rend compte de la langue de bois qu'il y a derrière tout ça et des choix qu'il y a derrière tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on continue, en fait, parce qu'on a l'impression que plus on continue, et plus ça va nous permettre à toutes et à tous d'avoir un esprit critique plus développé pour pouvoir trouver des solutions justement pour l'urgence climatique et sociale, quoi. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi les représentants des entreprises qui ne sont pas dans la finance et dans l'assurance ne se fassent pas plus entendre en disant qu'eux, ils ont des problèmes, ils gagnent moins d'argent. Et donc, finalement, cette retraite à point, ils n'ont aucun intérêt là-dessus, quoi. Donc effectivement, il y a peut-être de nouvelles idées à trouver, par exemple sur la consommation ou sur le rapport qu'on a avec nos banques ou nos assurances. Et en mon fort intérieur, je me dis que c'est ça qui permettrait aussi de construire notre futur, quoi. C'est-à-dire avec des banques qu'on arrive à mieux contrôler, des flux financiers qu'on arrive à mieux contrôler justement pour... faire des investissements pour le bien commun et pas pour forer des nouveaux puits de pétrole ou ce genre de choses. Voilà, on pourrait utiliser ce mouvement social pour construire des alternatives, quoi. Je vais vous poser une question un peu difficile, mais c'est quoi vos prévisions pour la suite du mouvement? En mon fort intérieur, ouais, c'est ensoleillé, quoi. C'est ensoleillé parce que j'ai le sentiment qu'on a repris confiance en nous. Et ça, c'est primordial, en fait, pour changer le monde, quoi. Oui, je m'appelle Pascal Lagru, je suis le secrétaire général de l'Union départementale des Faux du Rhône. On en est à la 43e journée de mobilisation. Comment est-ce que vous vous sentez ? Nous, on trouve aujourd'hui qu'il y a un ancrage de la grève, c'est-à-dire qu'elle s'ancre durablement. Alors, tous les secteurs n'y sont pas, etc. Mais on en a plein qui commencent à rejoindre. Et pour le coup, contrairement au délitement, on a des gens, je serais même tenté de vous dire, qui sont presque ceux qui sont là, ils sont encore plus déterminés. Vous l'avez dit, on a un mouvement qui s'ancre. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce mouvement ? Alors moi, aujourd'hui, si vous voulez, la question n'est pas à la sortie. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la question, elle est à la mobilisation pour obtenir le retrait. Donc je ne vous dirai que cela, parce que pour le coup, pour nous, aujourd'hui, en l'état, les salariés, en tout cas ceux qu'on rencontre, Et nos syndicats ne sont pas du tout dans une optique de sortie, ils sont dans une optique d'obtenir le retrait. Mais si vous voulez que je vous réponde sur la sortie, ça va être très court. C'est le gouvernement retire le projet de réforme par points, dit aux syndicats responsables, puisque c'est ce que nous sommes avant toute chose, responsables, venez autour d'une table et on rediscute de la retraite par répartition, en regardant les contenus, en regardant les paramètres, sur un système de répartition, de solidarité, en améliorant un certain nombre de choses et en faisant bouger des choses, pourquoi pas on discute. Mais en tout cas, si c'est partiré, la réponse est non. 43 journées de mobilisation, oui. C'est long, c'est dur. Oui, comment c'est long, c'est dur. Pour tenir On fait comme toute personne qui fait grève, c'est-à-dire on arrête le travail, il y a de la solidarité qui s'organise, on a des caisses de grève, nous, en interne, dans notre organisation syndicale, et ça fonctionne plutôt pas mal parce que la solidarité joue à plein. Et justement, on sait que si certains font grève, je ne vais pas dire pour d'autres, mais en tout cas, ceux qui ne le font pas ont des gestes de solidarité envers les autres. Et nous, c'est bien organisé. Les 403 sont renversés, la grève sauvage est générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel la chaud au pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans Dieu, sans maître, auto-gestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais sommeil. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM 91.2 à Nantes et autour de Nantes et sur jetfm.fr. C'est maintenant l'heure du billet. aujourd'hui, c'est un billet sur le chlordécone. Ah, 1988. Quelle belle année, 1988. Toute la France danse sur Nuit de folie, de début de soirée, afin de fêter la réélection de Mitterrand, qui elle-même a eu lieu sur fond d'exécution des indépendantistes kanaks, tués d'une balle dans la tête par les agents du GIGN. Bonne ambiance, quoi. Mais pendant qu'il y en a qui s'amusent, d'autres bossent. C'est notamment le cas des scientifiques de la NASA. Une équipe de climatologues est cette année-là chargée de simuler un modèle des changements environnementaux liés aux gaz à effet de serre. En gros, on y voit des courbes décrivant l'évolution des températures moyennes au niveau planétaire. Et ce qui est remarquable, c'est que lorsqu'on les compare avec les températures ayant réellement eu cours entre 88 et aujourd'hui, bah évidemment, elles sont quasiment identiques. Petite erreur cependant, le pic maximal de l'étude, prévu en 2019 dans la simulation, est en fait intervenu en 2016. Ok, on a pris un peu d'avance sur le calendrier de la fin du monde. Ça va. Pour le reste, cette petite étude comparative nous apprend d'abord que travailler en écoutant de la pop disco dance fin des années 80 ne nuisait aucunement aux résultats des scientifiques d'alors. Mais aussi et surtout, cela confirme que les grands décideurs du monde savaient déjà très bien à l'époque vers quoi notre planète se dirigeait, rapidement et sûrement. Et qu'ils ont donc sciemment décidé de ne rien faire. Bon, faudrait pas non plus que ça nous étonne, car ce que nos décideurs français à nous savaient à la même époque, c'est que de leur côté, ils empoisonnaient délibérément, depuis des décennies, les populations et les terres antillaises des dom-toms, au moyen d'un insecticide au doux nom chantant de chlordécone. Une saloperie ultra-toxique synthétisée dans le courant des années 50, au sein des laboratoires de l'entreprise américaine Allied Chemical Corporation, entreprise spécialisée dans la chimie tendance dégueu-crado. De celle qui vous fout en l'air tout un écosystème dans le but d'améliorer les bénéfices d'exploitants agricoles en tuant à peu près tout, sauf ce qui sera récolté. Évidemment. À ce moment-là, le chlordécone est commercialisé sous les noms de Kepone, Merex ou encore Curlone. À l'origine prévu comme insecticide, censé lutter contre les cafards ou les blattes, on le retrouve pourtant donc très vite en tant que parasiticide, dans des plantations de denrées prévues à la consommation humaine. Culture d'agrumes, champs de tabac. Il est aussi utilisé comme fongicide contre le mildiou, mais c'est dans les bananeraies qu'il se révèle réellement miraculeux. Il y fait merveille en éliminant un petit insecte ravageur, le charançon, ennemi juré des producteurs de bananes de par le monde. Malheureusement, en 1965, soit seulement 10 ans après sa création, le chlordécone est classifié comme extrêmement dangereux après des tests effectués en laboratoire sur des animaux. Il est ainsi décrit comme une substance reprotoxique, modifiant les systèmes reproducteurs de tout être vivant y étant exposé. À partir de là, son autorisation de commercialisation est donc validée par les plus hautes instances américaines. Sa production ne cessera donc plus d'augmenter à partir du milieu des années 60. Faut dire qu'à l'époque, on écoule principalement les stocks de chlordécone en Amérique du Sud et en Afrique. Alors ça va. Mais bientôt, ça n'ira plus trop. La faute à une filiale de l'entreprise, Allied Chemical Corporation. Son petit nom à elle, c'est LSP, acronyme de Life Science Products, qu'on peut traduire par « produit des sciences de la vie ». Ça s'invente pas. Non, vraiment pas, parce que des années durant, cette boîte va produire chaque jour plusieurs tonnes de cette poudre couleur blanc cassé qu'est le Kepone. Sans protection aucune, ni pour ses employés, ni pour l'environnement. Pas vu, pas pris. Alors, pendant plusieurs années, impunément, elle rejettera tous ses déchets industriels dans le fleuve James River qui borde la ville d'Hopewell, en Virginie, où la firme industrielle est installée, contaminant ainsi toute la baie sur plus de 150 km. Pour le reste, après, on ne sait pas, c'est l'océan Atlantique, c'est plus notre problème. Et puis, personne ne s'en rendait compte de toute façon, jusqu'à ce que des médecins viennent mettre leur nez dans les affaires de Life Science Products. Bon, au bout d'un moment, c'est vrai que ce sont les employés de l'entreprise eux-mêmes qui sont allés consulter les toubibs. Faut dire aussi, les gars avaient des maux de tête terribles, des mouvements oculaires rapides en permanence, des troubles neurologiques et testiculaires sévères, et ils étaient pris de tremblements incontrôlables. Ça n'allait vraiment pas, quoi. Mais bon, à qui se plaindre? Les patrons? Ils mettaient jamais un pied dans l'entreprise. On les y avait encore jamais vus. Et pour tout dire, la paye était vraiment bonne. Alors malgré les doutes, on fermait sa gueule. On continuait de bosser au milieu de cette farine de mort qui s'insinuait partout, jusqu'au domicile même des travailleurs. Jusqu'à ce que deux médecins cessent de se cacher derrière l'alibi patronal des symptômes de l'alcoolisme prolétaire, pour expliquer tous ces troubles. Après une rapide analyse de sang d'un employé, le verdict tombe. Il y a dans les locaux de Life Science Products un taux de chlordécone 3000 fois plus élevé que le seuil autorisé. Alors, comme un fil qu'on tire, les enquêtes suivantes vont démontrer comment l'entreprise s'est débarrassée durant toutes ces années de ses déchets industriels. Et au scandale sanitaire va s'ajouter un monumental scandale environnemental, avec lequel la Virginie est loin d'en avoir terminé. Car le chlordécone est un foutu pesticide classé POP, presque rien à voir avec début de soirée, mais bien plus en revanche avec la classification polluant organique persistant, ce qui signifie que pendant encore plusieurs siècles, le chlordécone continuera de se dégrader et de refiler des cancers à tout ce qui vit à proximité des rives du fleuve James River. Voilà, voilà, voilà. Quoi qu'il en soit, le scandale de l'incompétence des autorités américaines ayant pris une telle ampleur, ces dernières décidèrent de fermer l'usine à partir de 1975, puis d'interdire purement et simplement le chlordécone sur tout le territoire américain 2 ans plus tard. Bon, pendant ce temps-là, à Paris, on ne se prend clairement pas autant la tête. Au début des années 70, un certain Jacques Chirac, alors jeune ministre de l'Agriculture, délivre une autorisation provisoire de mise sur le marché pour le chlordécone. Autorisation qui sera renouvelée maintes et maintes fois, plutôt que d'être officiellement homologuée. Vous savez, comme on fait avec les CDD. Comme ça, on ne prend pas de risque. Enfin, c'est sûrement ce qu'ils ont dû se dire à l'époque. La molécule est alors importée du Brésil, puisqu'aux États-Unis, de fait, on a cessé d'en produire. Puis, redirigée vers les îles antillaises de la Martinique et de la Guadeloupe, afin d'approvisionner l'entreprise Lagarigue. C'est cette dernière qui gère l'import des intrants chimiques agricoles de tous ordres pour les îles antillaises dans les années 70. Avant d'en acquérir le brevet ensuite, et de le commercialiser sous le nom de Curlone, à partir de 1981. Ce qu'il faut dire, c'est que l'entreprise Lagarigue est une des plus grosses exploitations antillaises et qu'elle est spécialisée dans les plantations de bananes, secteur comptant lui-même parmi les plus importantes de ces îles à cette époque. Et ce qu'il faut comprendre, pour bien cerner le problème du chlordécone dans les Antilles, c'est le pouvoir incroyable qu'avait cette entreprise Lagarigue, et non seulement elle, mais aussi toutes les autres exploitations agricoles, industries agroalimentaires en tout genre et lieux de décision, tous détenus par les Béquets, ces descendants des premiers colons blancs européens, héritiers des entreprises esclavagistes qui font encore leur fortune aujourd'hui. Dans cette communauté soudée, représentant 1% de la population antillaise, se regroupent un petit nombre de familles et en totalité quelques milliers de membres, tous apparentés, dans un but commun de préservation à la fois raciale et économique. Ouais ouais, ça existe encore aujourd'hui, et c'est en France que ça se passe. Un contexte un peu particulier donc, qui a vu les plus grandes fortunes antillaises faire pression et opérer un lobbying puissant sur les politiques de la métropole afin d'améliorer leur seuil de rentabilité agricole. Et cela, au mépris de la santé publique, et alors même que la nocivité des produits en question était très largement connue depuis longtemps. Qu'à cela tienne, de dérogation en autorisation temporaire, voire en homologation illégale, le chlordécone sera finalement utilisé sur les territoires martiniquais et guadeloupéens durant plus de 20 ans. Il faut en effet attendre 1990 pour que la France se décide enfin à l'interdire sur son territoire. Mais malheureusement pour les populations antillaises, les dirigeants postcolonialistes à la tête de la France, considérant que les deux îles antillaises n'appartiennent à la France que lorsque ça les arrange, les bananeraies de Martinique et de Guadeloupe continueront d'utiliser le chlordécone encore jusqu'en 1993. 3 années de rab, gracieusement accordé par le ministre de l'Agriculture en personne, afin d'écouler les stocks restants du fameux pesticide de la firme Lagarigue. Les conséquences sont aujourd'hui dramatiques. Les chiffres sont en effet sans appel. 95% des Martiniquais et 93% des Guadeloupéens ont du chlordécone dans le sang. La présence de ce pesticide pourrait donc expliquer pourquoi les Antilles comptent actuellement le plus grand nombre de cas de cancer de la prostate au monde. Le chlordécone jouerait aussi un rôle dans la multiplication des naissances prématurées, dans les retards de développement infantile, dans les perturbations endocriniennes, etc. Et de fait, rien d'étonnant à cela, car aux Antilles, le chlordécone est partout. Dans les sols, dans l'alimentation, dans l'eau. Pour ne rien arranger, les quantités déversées par les exploitants agricoles étaient telles, plusieurs milliers de tonnes, qu'avec son caractère rémanent, il faudra compter plus de 700 ans pour que les terres antillaises soient débarrassées du chlordécone. L'État français, de son côté, est fidèle à lui-même, droit dans ses bottes. Il a décidé, entre les années 90 et 2000, de jouer la stratégie du silence radio. Puis, lorsque les lanceurs d'alerte ont commencé à faire chier et à communiquer sur le sujet, il a d'abord commencé par bafouiller, oscillant entre fausses excuses et vraie indifférence. Jusqu'à ce qu'après l'élection de Macron en 2017, l'État prenne la mesure du problème. Il fallait désormais communiquer efficacement face à ce problème du chlordécone. Comprendre, chercher le point de rupture pour focaliser le débat sur ce qu'il y a de moins intéressant et surtout éviter de parler des problématiques réelles. C'est ainsi qu'en février dernier, Macron s'improvisait scientifique en herbe et se prenait volontairement les pieds dans le tapis, déclarant, je cite, « Il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène, parce qu'à la fois on dit quelque chose qui n'est pas vrai et on alimente les peurs. » Ben non Manu, t'as raison, faut pas dire ça, on n'a pas le droit, parce qu'officiellement, on sait pas encore si le chlordécone est cancérigène. En l'état actuel des recherches, il n'est classé que possible cancérogène. Bon, et aussi neurotoxique, reprotoxique, cancérogène avéré pour les animaux, ok. Mais sur l'homme, on sait pas, vu qu'on n'a pas encore l'étude. Tralalère, chat perché. Allez, et pour couronner l'ensemble, l'État continue de se souiller encore un peu plus en laissant la bride lâche à ses forces de l'ordre. Cette fois-ci, à l'encontre de militants anti-chlordécone. Cette personne avait ainsi été arrêtée en novembre dernier après avoir participé à une manifestation, ce qui a provoqué un mouvement de soutien populaire à Fort-de-France le lundi 13 janvier dernier, jour prévu du procès de ces militants. Un mouvement réprimé dans le sang par la police qui a gazé, qui a matraqué, qui a tiré au LBD à bout portant sur la foule, enfin bref, qui a fait de la violence policière, comme elle sait le faire, et parce que c'est sa fonction. Une violence policière qui fait d'ailleurs son efficience et qui est sa raison d'être, qui légitime son rôle de protection des organes de pouvoir et des élites économiques, et qui explique pourquoi, aujourd'hui encore, le système politique plutocratique, grimé en démocratie, ultra-capitaliste et irresponsable que l'on connaît, est encore debout. Vacillant, à bout de souffle, mais encore debout. Et il n'appartient qu'à nous de le pousser pour provoquer sa chute, car lui préférera toujours s'appuyer sur la force et la violence, quoi qu'il en coûtera, plutôt que de s'effondrer. Gouverner

les cœurs et fermez votre gueule. Vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Vous demandez la lutte alors que vous n'avez pas c'est travaillé. C'est pas la lutte. Hein, moi, je travaille tous les jours, madame. Eh oui, oui, oui, oui. Bien. Bah parce que c'est samedi et je vais pas travailler, heureusement que j'ai le week-end aussi. Bah, vite, bah oui, heureusement. Vous pas le week-end. Bah oui. Moi, bah, pas le week-end. Ah, ça m'étonnerait que vous ayez travaillé 7 jours sur 7. Ça, tout à fait. Non, non, vous ne pas, c'est impossible. Ce que je voulais. Vous avez quel âge? Dans les 82 ans. Oui, et ben ma belle-mère, elle a 80 ans, elle avait ses deux jours de congé de chaque semaine aussi. Pas du tout. Si, si. Parce que moi, j'avais un métier spécial. 130. J'étais sur la route. Mais arrêtez, de raconter n'importe quoi. J'ai la semaine entière après, si je voulais. Sécurité sociale. Donc, vous aviez du repos. Donc, vous aviez du repos. Arrêtez vos histoires. Toute la vie en l'air. Mais madame, ils ont raison parce que ma fille, elle n'aura pas de retraite plus tard. Oh, la pauvre petite, vous y passez à la retraite de votre fille. Calme, madame. Oui, vous pouvez aller. Faites, oh, doucement, vous allez faire un... Vous allez vous... Non, je vais très moi, je ne la fais pas, la manifestation. Mais en colère, après ces gens-là. Mais en colère, c'est... Travaille pour ça et ferme ta gueule. Travaille pour ça et ferme ta gueule. À très peu de monde, on peut bloquer, c'est possible, rejoignez-nous. On va se lever, toutes leurs cartes elles vont tomber et c'est là ils vont perdre. Mais ils ont raison de faire ça. Ils ont raison, à un moment donné, ils vont perdre l'État. Mais ça, moi aussi ça me fait chier, tu vois, moi aussi ça me fait chier, mais je suis d'accord avec eux. Nos enfants, ils méritent qu'on se batte pour eux. En effet, après plusieurs tentatives pour ne pas payer d'impôts, après des affaires de révélations sur les fraudes fiscales, Carrefour a été contraint de fermer ses portes. Plusieurs scandales entachent cette entreprise, autre que le fait d'arnaquer tous nos concitoyens à cause de cette fraude fiscale. Il y a aussi une histoire très grave de licenciement abusif qui ne passe plus. On est de retour au direct dans le magazine Libertaire sur JetFM et dans le son que vous venez d'entendre, il y a quelqu'une qui dit à un moment qu'elle va pas en manif parce qu'elle veut pas faire subir les lacrymos à sa fille. Et je voulais rajouter qu'on avait passé un peu de temps hors micro du coup à parler des garderies populaires et du coup j'en profite pour les présenter à nouveau. Donc les garderies populaires, elles ont été mises en place après la manif du 5 décembre dans un objectif de faire tenir la grève dans la durée et de permettre au plus grand nombre de participer aux manifs et aux actions. Il et elle partent aussi du principe, du constat que dans notre société patriarcale, ce sont bien souvent les femmes qui s'occupent des enfants pendant que les mecs sont en manif ou en action. Et du coup, ouvrir la garderie populaire, c'est aussi permettre à nous, les femmes, d'avoir une plus grande place dans cette grève. Les garderies populaires, elles accueillent les enfants à partir de 3 ans dans des locaux adaptés dans le quartier Pierre-Mille à Nantes. Il y a des lits pour faire la sieste, il y a des jeux, des espaces calmes, des activités, une cour extérieure et de quoi être tranquille pour continuer la lutte. Et du coup, si vous avez besoin des garderies populaires, faut appeler ou laisser un SMS au plus tard la veille au 07 53 34 48 24. Je répète, le 07 53 34 48 24. Et du coup, vous pouvez laisser un SMS ou téléphoner à ce numéro si vous avez besoin de la garderie populaire. Et les dates des garderies populaires, elles sont annoncées à l'avance soit sur le compte Facebook des garderies populaires nantaises, soit sur nantes.indimedia.org ou sur nantesinfogreffe.data.blog. On remettra tout ça sur notre site et sur le site de JetFM quand on fera le podcast. Voilà, je vous propose de faire une... Et c'est galerie. Ces garderies populaires, elles se mettent jamais en grève ? Non, elles se mettent... Ah, mais c'est très intéressant, ça, pour l'État. Bah, en tout cas, c'est très intéressant pour, pas, pour éviter d'emmener ces moments manifs quand on a peur que les flics exercent des violences, et aussi pour pouvoir aller faire des actions. Bah, on fait une petite pause musicale ? Donc nous sommes toujours dans l'émission du magazine Libertaire, c'est l'heure des annonces, nous allons commencer par donner les rendez-vous de la semaine en ce qui concerne les grèves. Oui, on va commencer par les grèves. Alors aujourd'hui, on est mercredi 22 janvier, il y a comme tous les mercredis une AG étudiante à la fac, enfin c'est une AG appelée par les étudiants mais c'est pas forcément réservé aux étudiants et c'est à l'amphi 2 de Sensive à Ray, petit port faculté sur le tram 2. Il y a aussi aujourd'hui à 15h un atelier pour préparer le défilé nocturne de demain. Donc défilé nocturne et autres, si des gens ont envie de préparer d'autres trucs. C'est à la Maison du Peuple, c'est 17 rue du Chapeau Rouge à Nantes. Donc ça, c'est à 15h aujourd'hui. À 19h, toujours aujourd'hui, il y a une formation et des informations sur la garde à vue. C'est à la dérive 1 rue du Guérobert à Nantes. Donc ça, c'était pour aujourd'hui, tout ça. Demain, on est le 23 janvier, les garderies populaires donc, dont on vient de parler, elles seront ouvertes de 17h à 21h. Il faut les prévenir aujourd'hui au plus tard si vous avez besoin de confier vos ou votre enfant à la garderie populaire. Donc je redis le numéro, le 07 53 34 48 24, appel ou SMS. À Saint-Nazaire, cette fois, à 14h30, devant la CEPAM, il y a un rendez-vous pour une vélorution plus un tractage dans les services publics. Il y a toujours, du coup, demain, le 23 janvier, il y a plusieurs manifs nocturnes défilés au flambeau. Donc, un rendez-vous à Nantes à 18h, place de l'Orme. À Saint-Nazaire, 17h30, à la base sous-marine, avec un retour après cette manif à la base sous-marine, où ce sera possible de manger, de boire un coup et de profiter d'un concert. À Angers, à 18h, place du ralliement, donc aussi une manif nocturne au flambeau. Vendredi 24 janvier, c'est le jour de la présentation du projet de loi en conseil, du projet de loi de la réforme des retraites, hein, bien sûr, en conseil des ministres. Et donc, c'est une nouvelle journée nationale de grève, d'action et de mobilisation. Les garderies populaires seront ouvertes de 8h à 18h. Il faut les prévenir avant vendredi, enfin demain au plus tard, au 07 53 34 48 24. Si vous ne connaissez pas ce numéro par cœur à la fin de l'émission, voilà, donc appel ou SMS. Donc toujours vendredi 24, il y aura Action tôt le matin, un rendez-vous sur 3 points de covoiturage. Vous aurez plus d'infos bientôt, j'imagine, sur Nantes Info Grève. À Anceny, à 7h30, il y a une action à l'appel de l'intersyndicale locale avec un rendez-vous à l'aérodrome. À Saint-Nazaire, à 7h30, un rendez-vous au lycée Aristide Briand pour soutenir les lycéens, lycéennes et en particulier suite aux violences policières qu'ils et elles ont subies la semaine dernière. Et il y aura un départ en manif depuis le lycée à 10h. Et donc les manifs de vendredi, Nantes 10h30, Miroir d'Eau, Saint-Nazaire 11h, Place de l'Amérique latine, Anceny 9h30. Aérodrome, Châteaubriant, 10h30 devant la mairie, Angers, 11h devant la gare. Ça fait plein de rendez-vous, vous avez sûrement pas tout retenu, mais c'est pas grave. Vous pouvez aller sur le site nantes.indimedia.org et aussi sur le site nantesinfogrève.data.blog et il y a aussi le site 44.demosphère.org et on remettra évidemment toutes ces références sur notre blog. Et je crois qu'il y avait d'autres choses, des projections à annoncer. Ouais, moi je vais vous causer d'une projection du film Les Jours Heureux en soutien aux grévistes. Les organisations du collectif Justice Sociale et Climatique 44 vous invitent à la projection du film Les Jours Heureux de Gilles Perret en soutien à la grève contre la réforme des retraites. La grève contre la réforme des retraites, ça continue donc. Les grévistes ont besoin de soutien financier et physique. De nombreux réalisateurs ont décidé de les soutenir en offrant leurs droits aux caisses de grève. Donc là, ça va être une soirée. Entrée à prix libre, les fonds sont reversés aux caisses de grève. Rendez-vous à partir de 19h pour un pot d'accueil. Ensuite, il y a la projection du film à partir de 19h30. Donc la fin, ça se passera autour de 21h. Et ensuite, il y a un débat après le film animé par les syndicats. Donc en gros, je vais vous lire un petit pitch du film. Entre mai 43 et mars 44, sur le territoire français encore occupé, 16 hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du Conseil national de la résistance, intitulé magnifiquement « Les jours heureux ». Ce programme est encore au cœur du système social français puisqu'il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d'entreprise, etc. Ce film vise à retracer le parcours de ces lois, pour en réhabiliter l'origine qui a aujourd'hui sombré dans l'oubli. Raconter comment une utopie folle dans cette période sombre devint réalité à la libération, raconter comment ce programme est démantelé depuis, questionner la réalité sociale d'aujourd'hui et voir comment les valeurs universelles portées par ce programme pourraient irriguer le monde de demain. Donc voilà, cette projection, ça se passe aujourd'hui, c'est à partir de 19h à la Maison des syndicats, 1 place de la gare de l'État à Nantes. Alors vendredi 24 janvier à 18h30, dans un lieu qui s'appelle Belle de Jour, qui se situe aux 4 places du 51e régiment d'artillerie à Nantes. Il y aura une conférence gesticulée qui s'intitule « Aux frontières du droit » et c'est en soutien aux caisses de grève. Donc il s'agit d'une rencontre-échange sur un thème lié au féminisme illustré par des vidéos ou des films. Donc c'est une proposition des ateliers femmes et féminisme. Ce premier café abordera l'histoire des mouvements lesbiens féministes des années 70 à aujourd'hui. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur belledejour.org. Et on a une autre annonce pour les personnes qui sont du côté de Fougères. Il y a aussi un soutien aux caisses de grève donc, qui s'intitule 1336 jours. Donc, c'est la projection d'un film 1336 jours, La victoire des Fralibes. Donc ça se passe au local autogéré de l'association Les Oiseaux de la Tempête, au 14 rue de la Peinterie à Fougères. Et pour plus d'informations sur des projections en soutien aux caisses de grève, on rappelle qu'il existe une coopérative audiovisuelle qui s'appelle Les Mutins de Pangée et que vous pouvez retrouver sur lesmutins.org. Alors, je peux vous lire le premier paragraphe qui décrit les mutins de Pangée. C'est en solidarité avec les grévistes qui luttent depuis un mois contre le projet indécent de la casse du régime des retraites et pour une véritable réforme solidaire, des réalisateurs, producteurs, distributeurs mettent à disposition leurs films pour qui veut organiser des séances au profit des caisses de grève jusqu'au bout de la grève. Ainsi, nous reversons les recettes de ces films achetés en téléchargement sur lesmutins.org pendant la grève. Donc les recettes sont reversées aux caisses de grève. Vous pouvez aller sur le site si vous êtes intéressé et vous trouverez tout le procédé en fait, justement pour entrer en contact avec les personnes donc, qui ont mis ce site en ligne et donc la liste des films qui est proposée aussi pour pouvoir faire une projection. Et il est précisé qu'au 19 janvier 2020, donc il y a déjà eu 86 projections organisées donc par le biais donc des mutins de Pangée. On peut faire une pause musicale et on terminera les annonces ensuite. Qui doit rejoindre le bétail, mon nom est un détail et personne ne m'appelle. Qui aura ma gueule sera décoré d'une médaille, deviendra un modèle, une idole pour la foule, un symbole, le cow-boy qui a vaincu le cobaye, mis dans la corbeille, la queue et les oreilles, cloué au portail, le trophée de la bataille. On me croit criminel, anormal, me voit dans les tunnels, me cherche dans le canal, avec fusil et jumelles, il faut me faire mal. Là, le journal est formel, au signal, viser la moelle, donner la mort intentionnelle, rien n'est rationnel, la chasse est nationale, passionnelle, prise en charge par des professionnels, éliminer l'animal, qu'il soit mâle ou femelle, salir sa gamelle avec sa pisse ou ses semelles. Libérer la bête, effacer sa tête, essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes, et ne nier même pas les misères que vous lui faites, elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérer la bête, effacer sa tête, essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes, et ne nier même pas les misères que vous lui faites, elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Et elle est sûre d'elle, hors d'elle, adore le bordel, ses morsures sont mortelles,

Alors autre chose, là du coup ça se passe à Saint-Nazaire, et donc c'est un appel à une discussion collective pour la marche des fiertés. Alors nous souhaitons fédérer des personnes et des collectifs motivés pour l'organisation d'une marche des fiertés à Saint-Nazaire en 2020. Pour cela, nous comptons sur vos idées et votre motivation afin de créer toutes et tous ensemble un projet en l'honneur de tous les genres et de toutes les sexualités. Nous vous attendons en nombre pour partager au kiosque autour d'un verre ou d'un café vos idées. À très bientôt. Donc ça se passe au bar Le Kiosque, 37 avenue de la République à Saint-Nazaire. Et donc a priori c'est à l'appel des guerrières de l'Ouest. À Nantes, donc le samedi 25 janvier à partir de 14h, donc dans le lieu qui s'appelle Belle de Jour, donc je rappelle l'adresse 4 place du 51e régiment d'artillerie. À Nantes, il y a une rencontre discussion sur les violences. Ensemble, nous sommes plus fortes. Les violences que nous subissons en tant que femmes peuvent exister au sein du couple, mais également dans la sphère publique à tous les niveaux. La violence est dans la rue lorsque nous nous faisons scruter, siffler, insulter, agresser. La violence est dans notre travail lorsque nous nous faisons exploiter, harceler, rabaisser. La violence est toujours là, dans chaque institution, et notamment judiciaire, quand une femme battue n'est pas entendue ni protégée. La violence envers les femmes est également policière quand un agent refuse de prendre une plainte pour vol, pour viol ou demande à une femme de rentrer seule chez son conjoint violent. L'État, au plus haut point, perpétue et entretient cette violence dans son système patriarcal, particulièrement lorsqu'il réprime férocement celles qui osent faire entendre leur voix. Chacune d'entre nous connaît ou connaît une proche qui a fait l'expérience de la violence des hommes. Nous vous proposons une rencontre pour échanger, témoigner, apporter des conseils et des solutions afin d'apprendre à se protéger et à riposter. Ensemble, nous sommes plus fortes. Je voulais juste apporter une précision à l'annonce précédente que j'avais faite. Je ne sais pas si je l'ai indiqué. La discussion collective pour l'organisation de la marche des fiertés à Saint-Nazaire, ça se passe vendredi 24 prochain, donc à 18h30 au bar Le Kiosque. Voilà. Eh bien, la suite, on va se déplacer du côté de Bure. Et donc, il y a une assemblée de lutte contre CIGEO. CIGEO, c'est le Centre industriel de stockage géologique. Ça se passe du coup dimanche 26 janvier de 10h à 18h à la salle municipale de Couvert-Puy. Et donc se tiendra la première assemblée de lutte contre CIGEO de l'année 2020. L'assemblée de lutte est le lieu de rencontre pour tous ceux et celles qui à Bure autour et dans les comités de soutien, éprouvent l'envie de se retrouver pour mettre en commun un agenda et des projets de mobilisation, mais aussi pour échanger ouvertement sur la vie de la lutte. C'est un moment important pour discuter des convergences et de nos divergences, et qu'il importe de s'approprier toutes et tous ensemble, individus, collectifs, associations, qu'on lutte et où habite sur place, ou plus loin, parfois même beaucoup plus loin. Rendez-vous donc à 10h ce dimanche 26 janvier, avec un temps de pause en auberge espagnole à midi. Alors, du coup, toujours dans la même thématique, du 20 au 26 avril, semaine antinucléaire à Bure. Donc, il se tiendra à la maison de résistance à Bure, une semaine sur l'histoire et les pratiques des luttes antinucléaires. 7 jours de discussions, d'ateliers, de conférences et d'échanges sur l'histoire de nos luttes et surtout l'histoire de nos pratiques de lutte. Quelles stratégies ont été pensées et mises en œuvre par le passé? Quelles techniques d'action ont existé? Et ont-elles été victorieuses ou non? Et dans quel contexte politique et répressif? On parlera des luttes contre l'implantation des centrales dans les années 70-80, des mouvements contre les transports radioactifs, des luttes des travailleurs et travailleuses du nucléaire, des décennies de résistance contre l'ANDRA et sa poubelle nucléaire. Ce sera donc aussi l'occasion de faire un point pour parler de nucléaire, où en est le projet CIGEO, donc le Centre industriel de stockage géologique, l'extractivisme et le colonialisme d'Orona, au Niger, au Kazakhstan, etc. Au regard de toute cette histoire, nous tâchons de penser le présent et nos actions futures. S'inspirer du passé pour penser le futur, voilà de quoi nous donner de la force face à un état nucléaire écrasant. En plus des discussions et débats, on prévoit des balades, de la radio, des ateliers, des expositions et bien d'autres choses. Ramenez vos propositions. Il y aura aussi des créneaux libres. Le programme n'est pas encore terminé et on vous en dira plus très bientôt, mais parlez-en déjà largement autour de vous. On prévoit un bel et gros événement. La grande majorité du programme se passera à la maison de résistance à Bure, mais les dortoirs et campings seront répartis entre Bure et Mandre en Barrois. Il est possible d'envisager d'autres types de couchage sur demande, accessible PMR, chambre chez l'habitant et l'habitante, aménagement d'espace. Si tu as des besoins spécifiques, écris-nous, on essaiera de trouver des solutions. La cantine sera végane et on aura besoin de tous les bras volontaires. N'hésite pas à nous préciser des régimes alimentaires spécifiques et il y aura une équipe de traduction. On ne sait pas encore dans quelle langue, mais on espère le plus possible. Écris-nous si tu as une demande là-dessus ou si tu peux nous aider. Donc voilà, y a une adresse mail si vous voulez les contacter. C'est semaineantinuque avec N-U-K à la fin, @riseup.net. Et puis bah voilà. Alors à Bure aussi, il se passe plein de choses. On peut rappeler d'ailleurs que vous pouvez trouver les informations sur Bure, donc 3xBure, BURE.info. Et du 24 février au 1er mars, il y aura une farandole d'activités féministes et antinucléaires à Bure contre la mascarade de l'Andra, de l'État, du patriarcat et du monde qui va avec. Et tout ça, tout ça. À la suite du week-end de septembre, donc différents collectifs sont formés à mixité choisie sans hommes cisgenres autour de la question du nucléaire et des stratégies à mettre en place pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. C'est ainsi que sont nées les bombes atomiques de Toulouse, de Bretagne, d'Île-de-France et d'autres. Nous, bombes du 55, nous invitons à continuer de nous questionner, nous rencontrer, nous renforcer et à imaginer plein de belles idées pour la suite du monde. Et pour cela, nous invitons à Bure, à l'endroit même où l'Andra est en train d'avancer ses pions pour la création du projet CIGEO d'enfouissement de déchets nucléaires. Donc pendant cette semaine du 24 février au 1er mars, il y aura des points sur la lutte à Bure et un tas de documentation autour de ce projet, des discussions sur nos pratiques de lutte sans mec cisgenre, des ateliers arpentage de livres sur l'écoféminisme et les luttes de meufs dans les luttes en nucléaire, un atelier gynéco, un atelier d'autodéfense, donc sous réserve de confirmation, un atelier do it yourself ta cuisine, électricité, plomberie, etc. Un atelier démontage, fabrication et réparation de vélos. Une caravane bibliothèque féministe pendant toute la semaine, des balades et divers chantiers dans divers lieux de la lutte. Le samedi, c'est carnaval. Ramène tes costumes, de quoi faire du bruit et ta machine à coudre aussi. Dans l'ensemble, ce week-end sera préparé à l'avance, mais n'hésite pas à venir avec des propositions de lecture, de discussion, d'ateliers. La cantine, donc, qui sera végane, et les tâches de vie quotidiennes seront au maximum autogérées. On prévoit l'approvisionnement pour les repas, mais n'hésite pas à ramener de quoi composer nos petits déj, thé, café, confiture, etc. Et des douceurs qui font plaisir. Il est précisé qu'il fait très froid du côté de Bure, qu'il va faire froid et donc il faut ramener des couvertures. Il va peut-être y avoir du monde, alors si tu as un camion ménager ou une voiture, voilà, c'est le moment de les ramener. C'est toute une question d'organisation. Donc on va s'organiser pour que le maximum de monde puisse dormir à la Maison de la Résistance et dans les lieux autour. Et du coup, vous pouvez contacter les personnes si cette semaine donc, de farandole d'activités féministes et antinucléaires à Bure, donc du 24 février au 1er mars. Vous pouvez contacter les personnes et même prévenir donc, de votre venue à bombedu55@riseup.net. Et on rappelle que en fait, vous pouvez retrouver toutes les informations sur burburbur.info. On a une dernière annonce qui a lieu le mercredi 29 janvier, donc dans une semaine à 18h30 à Pollen, 11 rue des Olivettes à Nantes. C'est la présentation de Stone Butch Blues aux Dévoreuses. C'est une permanence exceptionnelle de la bibliothèque féministe des Dévoreuses. Ne ratez pas la présentation du livre Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. Parce que ce texte fait partie de nos histoires de communautés trans-PD, Gwyn et LGBTQI+. Parce que ce texte nous touche, nous porte, nous fait rêver et soutient notre rage. Parce que c'est un livre qui parle de nous avec des mots qui nous ressemblent, qui viennent du cœur et du fond des tripes et qui parlent à nos cœurs et à nos tripes. Stone Butch Blues, c'est l'histoire de Jess, née aux États-Unis dans les années 1950, au sein d'une famille juive et prolétaire. De son enfance rythmée par les interrogations des passants passantes sur son genre, c'est un garçon ou c'est une fille ? À son adolescence et à sa découverte des bars de nuit où se côtoient lesbiennes, drag queens et travailleuses du sexe, de ses premières embauches en usine avec d'autres butch à sa transition, jusqu'à sa rencontre avec le mouvement LGBT naissant, son parcours traverse les décennies, il nous parle d'amour, d'amitié, de politique, d'identité. Par-dessus tout, Stone Butch Blues est un hommage à la solidarité et à la construction de ces communautés qui nous permettent de tenir ensemble et de survivre à la violence de ce monde. Militant engagé états-unien, communiste révolutionnaire et activiste antiraciste, Leslie Feinberg s'est inspirée de sa propre vie pour écrire ce roman en 1993. En dépit de son succès international qui l'a élevé au rang de référence communautaire lesbienne et trans, Stone Butch Blues n'avait jamais été édité en français. Nous célébrons donc aujourd'hui, après 25 ans d'attente, la sortie de la version française de ce texte par Hystérique et Associés. Donc il y aura une discussion en présence d'un membre du collectif de traduction et l'ouvrage pourra être aussi emprunté ou acheté sur place au prix militant de 13 euros. Donc ça, c'est la semaine prochaine à Pollen, au 11 rue des Olivettes, donc le 29 janvier à 18h30. Nous avons fini avec les annonces, donc nous arrivons à la fin de l'émission. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve mercredi prochain, 12h05, sur JTFM. Bonne grève, bonne manif et bonne semaine. Ouais, à bientôt dans la rue. Matin d'un jour de mars, je partais au boulot. Un petit quelque chose dans l'air m'a fait me lever plus tôt. Un café avalé, je me hâte vers le métro. En raison d'une manifestation, le réseau Tisséo est interrompu pour une durée indéterminée. Déjà en retard, je repars reprendre mon auto. À peine le deuxième tournant, je me retrouve qu'éblo. Par la vitre, on me glisse, tract des cafés chauds. Bien en retard, une fois à bon port, les collègues me saluent. Personne en poste, le patron chouine qu'il est déçu. Car la croissance, c'est pas comme ça qu'on la relancera. Effectivement, ça ne produit plus que du café à tour de bras. Les gens se hèlent et s'empoignent, mais sont contents d'être là. Il y a dans l'air une chaleur qu'on vibrait mille fois. Allez, allez, viens boire un verre à la table des acharnés, à la santé de tout ce qui reste inventé. Puis on dansera et on chantera sans s'arrêter. Machine reposée pour décider ensemble ce qu'on en fera après. Un café puis en route vers la manifestation. Le centre-ville tout bloqué est devenu piéton. Et on ne voit plus d'utilité pour les trottoirs. Et se glisser dans la foule mouvante et immense, emporté par le monde qui ne crains plus de déferler sur les boulevards. Oh, on est beaucoup là. Ouais, y'a trop de monde. 90, 100 000, je dirais, mais... Est-ce que t'as vu le camion des chipots? Non, moi j'ai pas été devant. Et Manu, t'as la banderole? Attention, y'a la barque derrière. Allez, allez, viens boire un verre à la table des acharnés. Et on chantera sans s'arrêter. Allez, allez, rejoins les camarades qui se sont rassemblés. Le temps d'une grève, laissons les machines reposer pour décider ensemble ce qu'on en fera après. Un petit jour ne suffit pas à bousculer les choses. Se presserait-on de terminer la pause? Pourquoi se presserait-on?